Amis golfeurs, l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités sur le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin. Régalez-vous de nos exquises rosettes de saumon farcies au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez l'Intermarché Flore à la chance de Saint-Prime qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. La chronique du club de golf de Saint-Prime avec un peu de retard avec Gilles Larouche. Salut Gilles. Gilles, évidemment, habituellement on l'a fait le mardi, mais on avait commencé l'entrevue avec le président, puis il était dans le parc des Laurentides, puis ça marchait pas. Fait qu'il a dit appelle Gilles, puis là bon, on s'est parlé que ce matin. Donc, quelle belle journée, hein? Ça va être bon pour les golfeurs. Ben aujourd'hui, disons que c'est une journée tout à fait exceptionnelle, aucun nuage, journée aussi très rare à Saint-Prime, aucun vent, et on attend environ là, 140 golfeurs, disons que le quand il fait beau, le téléphone... Ah, regarde, puis ça, c'est encore plus payant, là. J'imagine que c'est les green fees qu'on appelle, là. Exactement, c'est les joueurs green fee ou journaliers, c'est les gens qui payent leurs 18 trous, 9 trous, ensuite ça frappe des balles, des voiturettes motorisées, ça mange une petite sandwich, une consommation, c'est de très très bonnes journées pour nous. Il n'a pas fait beau, ça va être la première, de mémoire, la première belle fin de semaine d'été là, qui va avoir lieu en fin de semaine. J'imagine qu'il y a du retard, hein? Ben, c'est clair qu'un retard, si on se rappelle au niveau des événements, l'an dernier, on a ouvert le 17 avril. Ouais. Et cette année, c'est dans le coin, si ma mémoire est bonne, c'est le 10 ou 11 mai. Okay. Alors, c'est un mois de retard. Et cette année, tous les clubs ont ouvert en même temps. L'an dernier, on avait une longueur d'avance d'environ 2 semaines à 20 jours. Alors, ça veut dire moins de revenus en début d'année. Faut être un petit peu plus, avoir un peu plus de mordant au niveau des promotions. Je peux vous dire qu'à chaque jour, on a des promotions. Les gens qui vont sur notre site Facebook, on s'organise pour avoir quelque chose de vraiment attirant. Mais oui, c'est un début d'année qui est plutôt lent, mais quand même respectable. OK, OK. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ben, hier, j'aimerais souligner que c'était notre première soirée des dames. Ouais. La première soirée des dames, normalement, c'est pour cruiser, ça. Quand on organise des soirées de dames, c'est pour avoir des beaux mâles. Est-ce qu'il y a des matous qui se sont pointés à Saint-Prime aussi? Ben, je peux dire que les deux matous, comme je ouais. mentionne, étaient Jonathan Lambert et Pierre-Olivier Larouche, un employé. Ah, OK. Et il était accompagné de 18 dames. Ils ont donné des cliniques pendant 2 heures. Ça a été formidable. Sur 18 dames, il y en avait 15 non-membres. Mm. Et c'est clair qu'on va répéter l'expérience à chaque 2 semaines. Ça a été positif. Ils ont terminé ça autour d'une consommation par la suite pour faire, si on veut, une rétroaction des cliniques qui ont été données. Puis en plus, c'était... faisait tellement beau, alors tout était propice pour avoir une belle clinique. Ah oui, effectivement. Donc, aussi, ben, j'imagine, j'ai vu passer quelque chose sur les médias sociaux. Il n'y a pas un partenariat avec Dolbo qui a eu en fin de semaine? Bien, nous, ce qu'on a... Je ne sais pas si M. Kurtness vous en a discuté. Avec Dolbo, ce qu'on a fait cette année, c'est on veut vraiment innover. Puis on est deux copains ben de ouais. la proximité. Et dans la complémentarité, la décision qu'on a prise, c'est qu'un membre de Saint-Prime qui veut être à la fois membre de Dolbo et vice-versa, on demande un supplément de 100$ oh. et la personne a l'opportunité d'être membre aux deux clubs à la okay. fois. Je peux dire que ça commence à faire des petits. On s'attendait pas à avoir quelque chose d'immense cette année. On voulait semer une graine. Déjà, j'entends qu'il y a peut-être une dizaine de personnes de Dolbo. Il y a peut-être environ la même chose ici, sauf que la semaine prochaine, c'est la classique annuelle Dolbo Saint-Prime. Mmh. On va faire, disons, un petit peu de relations publiques pour augmenter le membership aux deux. Okay. Alors, c'est une nouvelle initiative qu'on a mise cette année. On est en expérimentation et pour l'an prochain, on va regarder pour une continuité. OK, OK. Donc, ça va quand même assez bien, je veux dire, dans l'ensemble. Ça va, je veux dire... je veux dire 10 personnes. C'est ça, vous avez commencé ça l'année passée? Non, on On vient de débuter, déjà, donc. Peut-être deux semaines qu'on l'annonce. OK. Est-ce que c'est quelque chose qu'avec... c'est sûr que Chibougamau, c'est plus loin, là. Mais, parce que vous travaillez également avec Chibougamau. Est-ce que ça pourrait être... mais c'est sûr que c'est moins avantageux, là. Disons que on est rendu qu'on a des partenaires avec plusieurs clubs de la région. Si je parle de Chibougamau... La TUC aussi. Les gens ont l'opportunité... on a Chibougamau, la TUC. On est partenaire aussi avec Saint-Gédéon. Ouais. Et le club de golf 5. OK, OK. Alors, on a des ententes interclubs où est-ce qu'on a un nombre de parties à prix réduit. Et c'est très populaire. OK. Autre chose à ajouter, peut-être en terminant, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine? La Saint-Jean-Baptiste s'en vient. Et j'imagine qu'on prépare quelque chose d'intéressant de ce côté-là. Bien, nous autres, oui, c'est clair qu'on a un week-end bien chargé. On poursuit avec nos cliniques juniors. J'aimerais mentionner que les cliniques juniors vont débuter après la fin des classes. Mmh. L'année passée, on a eu un record de 54 jeunes. C'est un record régional. Cette année, on s'en va dans la même direction. On prend encore des inscriptions. Ça va débuter dans quelques jours. Et oui, en fin de semaine, nous, à tous les vendredis, systématiquement, c'est des membres, non-membres. Alors, j'invite les gens qui veulent venir vivre une expérience. C'est pas cher. On fait des prix réduits, on appelle ça des mafias à tous les vendredis. Et quand on termine, c'est un moment pour se regrouper autour d'une consommation. Mmh. On offre un petit gueuleton. C'est très populaire, comme demain. On a pas loin de 60 inscriptions. Et en fin de semaine, oui, il y a des tournois. Ça bouge. On a toujours notre junior excellence dimanche. Où est-ce qu'on a des membres qui jouent avec des juniors? Mmh. On a 10 juniors qui vont faire les CD au niveau de la région. Et 10 membres, puis on fait un parrainage comme ça. Autre chose à ajouter, peut-être en terminant? Oui, en conclusion, le week-end dernier, dimanche dernier, on a eu le Jamboree Junior ici à Saint-Brice. Okay. On a invité tous les clubs de la région. C'est sous l'initiative de notre directeur golf, Jonathan Lambert, avec Golf Québec. Et les clubs de Chicoutimi, Dolbeau et Saint-Gédéon ont répondu à l'appel. On a eu 40 jeunes ici. C'était magnifique à voir. Et en plus, on avait c'était des cliniques. Plus, ils ont embarqué sur le terrain par la suite. Alors, il y avait Jonathan Lambert, bien entendu, le professionnel de Chicoutimi, Jonathan Moreau, et Kevin Fortin-Simard, le professionnel de Saint-Gédéon. C'était une journée, je peux vous dire, pour l'avoir vécu, là, tout à fait magique. Puis, j'invite les autres clubs de golf à répéter l'expérience. Les jeunes, c'est notre projet. Donc, ça conclut pour cette semaine, Gilles. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine, soit avec toi ou avec Rémi. Merci. Voilà, donc c'était le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche.